n'avait jamais vu ça. Tout rire n'en revient pas. Mon cocorami est là. Grosse bosse à Casanova. Les playboys ne dorment plus depuis qu'un matin en sautant de leur lit. Les voisins leur ont dit brusquement l'incroyable événement. Les filles ne dorment plus la nuit. Elles se retournent dans leur lit, tout en inspectant furtivement les épaules de leur amant. Casanova. Le dragard le tombe l'homme parfait. Subitement s'est retrouvé avec un dos bossu et contrefait. On ne chante plus dans les maisons, on ne danse plus dans les salons, et chacun se pose des questions sur la vaste sensation. On n'avait jamais vu ça. Tout rire n'en revient pas. En concours admiré là. Grosse bossa, Casanova. On n'avait jamais vu ça. Tout rire n'en revient pas. On coupe pour admirer là. On se pose à Casanova. Toutes celles dont il a un soir arrondit la taille par hasard, rit de le voir traîner son fardeau en arrondissant le dos. Casanova n'est plus à leur goût, et tous les anciens maris jaloux vident des bouteilles de Porto à la santé de son dos. Casanova. L'escaladeur du balcon des divines subitement transporte un pain de sucre jour et nuit sur l'échine. Les curieux vont le toucher pour voir, les pleureuses sortent leur mouchoir, les superstitieux viennent en cœur parce que ça porte bonheur. On n'avait jamais vu ça. Tout rire n'en revient pas. On court pour admirer la grosse bosse à Casanova.